Chapitre 4e. Comment M. Quatre-Sous et son fils Montanglos s'en vinrent troubler la fête et rabattre les joies de nos amoureux. Dans le temps où le cœur de notre héroïne prenait de tendres sentiments pour l'honnête Plénoche, M. Quatre-Sous le père, ne sachant rien de ce qui se passait à Coulommiers, songeait à marier sa fille. C'était un homme bien avisé que M. l'auditeur qui cherchait à voir les choses de loin. Au milieu des travaux du semestre, il lui vint à l'esprit qu'il pouvait former une alliance de sorte que sa fille fût heureuse et qu'il y trouvât tout ensemble des avantages pour lui et pour Montanglos. Depuis longtemps, il avait dessein d'acheter une charge de conseiller et de céder à son fils sa place d'auditeur. Il ne lui manquerait donc plus, après cela, que de choisir son gendre dans la cour des comptes afin d'y établir solidement son crédit. La charge de conseiller coûtait de 60 à 80 000 livres et c'était pour économiser cette grosse somme que M. l'auditeur regardait de près à ses dépenses. Les émoluments n'étaient pas forts, ils s'élevaient à 100 écus. Ajoutez à cela le plat de poisson que les gens de la halle donnaient à chaque conseiller le premier jour de carême, et puis la brioche de Pâques fournie par la corporation des pâtissiers, qui valait 1 louis d'or, et vous comprendrez que l'intérêt du principal était bien mince, mais on avait des travaux qui se payaient séparément. On pouvait faire la besogne des confrères les plus paresseux ou les plus riches, en sorte qu'il était aisé à un homme laborieux de gagner 5 000 livres par an. Après avoir ruminé tout cela dans sa cervelle, M. Quatre-Sous jeta les yeux sur un conseiller de la cour nommé M. Vertamont, qui était jeune encore et qui avait de nombreux amis, des protecteurs et du bien. Ce Vertamont était un grand ladre, avec une face jaunie par le travail, qui n'avait eu de sa vie le mot pour rire et qu'on appelait par dérision Plume-d'oie. Mais les raisons qui lui eussent rendu peu agréable à notre héroïne était celle justement par où il plaisait au père. On lui fit en dessous main des ouvertures. Quand il ouït parler de 100 000 livres que M. Quatre-Sous donnait à sa fille, il dressa les oreilles et courut demander à la jeune personne en mariage. Ils s'accordèrent nettement dès la première entrevue, se donnèrent les mains et leur foi de gentilhomme gratte-papier qu'ils seraient bientôt gendre et beau-père. Ce bel arrangement conclu en parole, M. Quatre-Sous reçut la lettre de son épouse qui l'informait des choses faites à Coulommiers et de la démarche de M. de Longueville. Notre auditeur faillit tomber à la renverse, tant il fut surpris et en colère. S'il n'eût été au plus avant de ses occupations, il eût pris le chemin de la Brie sur l'heure. Mais ne pouvant quitter Paris ce jour-là, il écrivit à sa femme la réponse dont voici la teneur. « Vous êtes une grande folle, Madame Quatre-Sous. N'avez-vous point de honte de ne savoir pas à votre âge garder votre fille? Vous nous en donneriez de belles si je vous laissais la Brie sur le cou. » Je ne sais pas ce que c'est que votre monsieur Plénoche et n'en veut rien apprendre davantage. Tirez, s'il vous plaît, votre référence à monsieur le duc de Longueville et faites en sorte de déguerpir au reçu de la présente. Allez coucher le soir même à Montanglos si vous ne voulez pas que j'aille en personne mettre fin à vos sottises. Quand vous aurez pris congé avec politesse de monsieur le duc et de la princesse, je vous avertirai de mes desseins sur notre fille et des engagements que j'ai pris d'un autre côté. Je vous fais mes baises mains. Et suis, en attendant l'assurance que vous m'avez obéi, votre affectionné mari, Quatre-Sous, auditeur à la Cour des comptes. Monsieur l'auditeur eût mieux réussi dans ses volontés s'il eût pris un ton plus doux. Mais la bonne dame eût éprouvé de la honte à montrer ce poulet à Plénoche et à la princesse. Ce n'était pas une femme comme elle qu'on pouvait appeler folle lorsque des personnes de haute qualité lui témoignaient de l'estime. Elle déchira la lettre sans la faire voir à Mademoiselle de Longueville, et déclara que son mari avait perdu le sens. Cependant, après cet acte de hardiesse, Madame Quatre-Sous conta le soir à sa fille ce que lui avait écrit son mari, et toutes deux délibérèrent pour savoir s'il fallait ou non obéir. La jeune demoiselle se prit à pleurer en déclarant qu'elle mourrait si on la voulait marier à un autre que M. Plénoche. Elle se plaignit amèrement de ce que M. son père s'engageait avec des gens qu'elle ne connaissait pas et sans consulter ses inclinations. Finalement, comme elle avait du sang des Quatre-Sous dans les veines, elle releva fièrement sa tête blonde, en disant qu'on apprendrait si elle était une marionnette qu'on peut faire aller avec un fil, et que M. l'auditeur n'était pas au bout s'il la voulait tyranniser. Madame Quatre-Sous, la voyant tout hors d'elle-même, la caressant, lui promettant qu'elle ne serait point forcée dans ses inclinations. Il fut résolu qu'on resterait à Coulommiers sans s'inquiéter des lettres et des colères paternelles. Le premier soin de notre héroïne fut d'avertir Mademoiselle de Longueville et Plénoche de ce qu'avait écrit M. Quatre-Sous. Un autre conseil secret fut tenu par là, où la raison n'eut pas grande part. Plénoche ne voulait point chercher quatre chemins. Il proposa un enlèvement et de s'aller marier au prochain village. La demoiselle y eût consenti si la princesse, qui était la plus sage des trois, n'eût assuré que cette ressource était bonne à garder pour la dernière. Rien n'était encore perdu tant que M. de Longueville n'aurait pas parlé lui-même au père. Nos amants eurent du moins la consolation de trouver, dans leur désespoir, un beau prétexte pour se faire des serments de s'aimer toujours et pour s'embrasser tendrement. Ils échangèrent leurs rubans et leurs mouchoirs en gage de leur amour, et ne voyant pas que ce fut de sitôt l'heure d'une séparation, ils se sentirent tout consolés. M. de Longueville fut mis au courant pour sa fille de ce qui était arrivé. Il adressa un sourire à Mademoiselle Quatre-Sous et à Plénoche, et les appela ses enfants, en leur commandant d'avoir bon courage et confiance dans son désir de les obliger. Le soir, au moment où Plénoche prenait congé du prince, il en reçut cette aimable parole. « Vos affaires n'étaient pas en bon charroi ce matin, chevalier, mais à cette heure, elles vont mieux. Je travaille pour vous être utile et vous en aurez bientôt la surprise. » Cependant, Madame Quatre-Sous avait fait réponse à son mari par l'express qui avait apporté la lettre, qu'elle savait garder sa fille et que Monsieur l'auditeur eut à dormir tranquille. Le père, médiocrement satisfait de ce message, murmurait incessamment dans sa large mâchoire et cherchait ce qu'il devait résoudre. Monsieur l'avocat Patru, dans un voyage qu'il fit à Paris, le rencontra au palais et, lui frappant sur l'épaule, lui dit à brûle-pourpoint « Père Quatre-Sous, tandis que vous fouillez des papiers ici, on vous cajole votre fille sous les ombrages de l'abri. Pardieu, mon cher Patru, vous me tombez à propos. Dites-moi, je vous prie, ce qu'on fait de ma fille à Coulommiers. » L'avocat raconta ce qu'il avait vu et comment il croyait les choses fort avancées. « Corbleu ! » s'écria M. Quatre-Sous. « Il n'y a pas une minute à perdre. Il faut partir aujourd'hui même. Ah, je vous mettrai ce monde-là dans la droite route. Je vous en réponds. Je me moque de tous les ducs, princes et chevaliers, moi. Je suis noble aussi par ma charge. » M. l'auditeur courut chez son président et obtint une permission de s'absenter pour 8 jours. Il en était à ses préparatifs de départ et fermait ses porte-manteaux en faisant à son fils Montanglos une leçon de ce qu'il faudra dire à M. de Longueville lorsqu'un page du prince le vint interrompre. « Monsieur, dit le gentilhomme, je vous suis envoyé par M. le duc de Longueville. Son Altesse a le désir de vous voir. Son Altesse me verra bientôt, monsieur, car je pars aujourd'hui avec l'ordinaire de l'abri. Vous seriez trop longtemps en route, monsieur Quatre-Sous. J'ai en bas un des carrosses de Son Altesse qui vous mènera grand train. Mes gens vont descendre vos bagages et vous accompagner. J'ai avec moi mon fils Montanglos, que voici. Je suis charmé de connaître monsieur de Montanglos. Nous ferons amitié dans le chemin, messieurs. Son Altesse a conçu de l'estime pour vous et brûle d'impatience de vous le dire. Ne vous pressez pas trop de nous adorer, monsieur, de peur que Son Altesse, ne venant à perdre sa tendresse pour nous, vous ne soyez obligé de ne plus nous aimer du tout. Ah, ce n'est pas bien, monsieur Quatre-Sous, de répondre à mes civilités par de la brusquerie. Si l'on vous aime, on pourra néanmoins vivre sans cela, cher monsieur Quatre-Sous, et c'est pour vous faire honneur. Mais ne nous fâchons pas. Vous êtes pressés, messieurs, et moi de même. Vos lits sont commandés à Coulommiers pour ce soir. Il faut arriver avant minuit. Nous sommes à vos ordres, monsieur. » Des laquais vinrent enlever les bagages et on partit au grand trot dans un magnifique carrosse à 6 chevaux. À travers leur mauvaise humeur, M. Quatre-Sous et son fils Montanglos ne laissèrent pas de remarquer avec plaisir qu'on leur ôtait partout le chapeau sur la route et qu'on leur témoignait un profond respect dans les auberges à cause des armoiries du prince qui était sur le carrosse. Le page de Son Altesse régala ses hôtes en grand seigneur et leur montra tant de déférence avec des manières de vrais gentilshommes que leur aigreur était bien diminuée avant qu'ils eussent fait 6 lieues. Ils n'arrivèrent à Coulommiers qu'à 1 heure après minuit, en sorte que tout le monde était couché. On conduisit M. Quatre-Sous et son fils Montanglos à l'appartement qu'on avait loué en ville pour eux. Un valet de chambre du château les servit, et le gentilhomme les quitta fort amicalement en leur souhaitant un bon sommeil. Les lits étaient doux, la maison tranquille, les meubles riches, les rideaux en belle soie d'Avignon. Nos deux Robins, de furieux qu'ils étaient d'abord, devinrent plus traitables et s'endormirent tout enchantés du grand luxe de cour où ils se voyaient plongés. Le lendemain au réveil, M. l'auditeur, à force de rechercher en lui-même, finit par retrouver un peu de sa colère de la veille. Il remonta son fils Montanglos qui était fort apaisé. C'était une maladresse que d'avoir accepté le carrosse et le logement. il n'y avait plus moyen, après cela, de ne point écouter M. de Longueville. « Mais malgré tout, disait M. Quatre Sous, cela nous oblige seulement à de la politesse, nullement à céder sur nos résolutions. » Pour se bien mettre en train de gronder et d'être méchant, notre homme s'en alla, dès le grand matin, au logis de sa femme, et lui lava, comme on dit, son bonnet. Ils étaient entre quatre yeux, et se régalèrent de se bien quereller comme de bons époux. Madame Quatre Sous haussait les épaules de ce que débitait Monsieur l'auditeur. Elle l'appela pauvre sot, quand il lui voulut apprendre ce qu'elle aurait dû faire. Pendant cela, Montanglos gourmandait sa sœur, qui ne leva pas seulement les yeux de son aiguille, et finit par déclarer qu'il l'ennuyait et qu'elle aurait assez d'écouter monsieur son père sans que d'autres lui vinssent rompre les oreilles. On gagna ainsi tout doucement 10 heures du matin. Le page de service annonça que les deux nouveaux venus pourraient faire leur entrée au château. Mademoiselle de Longueville avait voulu que nos deux voyageurs fussent reçus avec une solennité à les étourdir. Elle s'était vêtue d'une robe à queue. Ses femmes l'entouraient. Monsieur de Longueville avait derrière lui 40 ans de ses gentilshommes. Le prince de Condé brillait au milieu des petits maîtres. On faisait belle contenance, comme s'il se fût agi de recevoir un ambassadeur. Il y avait de la broderie et des pierres sur tous les habits. La princesse avait pris les jeunes gens de tenir leur sérieux et de parler avec politesse à ses hôtes. Cette comédie étant bien préparée, on introduisit Monsieur Quatre Sous et son fils Montanglos par les grandes portes. Le lecteur se fera volontiers une idée de l'embarras où furent nos deux robins au milieu des épines de l'étiquette. Monsieur l'auditeur débuta pour saluer jusqu'à terre un officier de bouche qui traversait les antichambres. Il perdit la tramontane en mettant le pied dans le salon et promena son pourpoint noir et son gros ventre vers les différents groupes sans pouvoir trouver Monsieur de Longueville. Le maître des cérémonies le saisit heureusement par le coude au moment où il faisait ses compliments à un étranger. Le digne homme était tout essoufflé de sa gaucherie et secouait sa large perruque grise comme une crinière. Quant au fils Montanglos, il trottait derrière son père, les coudes au corps, et semblait un petit scribe de notaire venant dresser un contrat. Cependant, le duc et sa fille parlèrent si obligeamment à M. Quatre Sous qu'un auditeur moins infatué que lui en aurait eu le cœur gagné du coup. M. de Longueville le mit à l'aise en l'interrogeant sur les choses de son emploi. Puis, Son Altesse mena notre homme près d'une fenêtre en lui disant « Nous avons à causer d'affaires ensemble, monsieur l'auditeur. »« Je sais, monseigneur, ce que vous m'allez dire, » répondit le père Quatre Sous en reprenant toute sa morgue. « Il m'en coûtera beaucoup de contrarier votre Altesse, mais la main de ma fille est promise. »« Elle l'est donc par deux côtés à la fois, monsieur. »« Car le chevalier de Plénoche a reçu promesse de mariage signée de votre femme et de la jeune demoiselle. »« Par l'accord Dieu. » « Ma femme est une carogne et ma fille une folle. »« Avant de se fâcher, dit la princesse, il faut apprendre à monsieur l'auditeur combien nous aimons sa fille, que je la veux avoir pour ma compagne, que nous la mènerons à Saint-Germain, que toute la cour est ravie de la connaître, et que son esprit et ses charmes lui font un devoir de rester parmi nous. Monsieur Quatre Sous s'adoucira en pensant qu'il aura en nous des amis aussi francs et d'aussi bonne compagnie que messieurs les conseillers. Il serait injuste et de mauvais goût, monsieur, de nous traiter mal, et d'être fiers parce que nous sommes de qualité. Les princes ne sont pas plus méchants, ni plus à dédaigner que les gentilshommes de robe. Je n'ai garde, princesse, de vouloir être fier avec vous qui valez plus que moi. Eh bien, parlons-nous sans aigreur. Monsieur le duc veut mettre votre fille en meilleur lieu que vous ne pourriez le faire. Nous n'avons à vous proposer que des marchés où vous ne sauriez perdre, et d'ailleurs, la chère demoiselle a donné son cœur à notre protégé, de sorte que vous l'allez rendre malheureuse, et vous ne nous cédez. Vous me jetez dans une terrible incertitude, princesse. Bon, cela, monsieur Quatre Sous, j'aime ce langage. Il est d'un père tendre et d'un homme aimable. Notre procès est gagné, car vous ne voudrez pas faire de la peine à tant de monde. Pour aller droit au but et rendre l'accommodement facile, dit le duc, sachez, monsieur, que je donnerai au chevalier de Plénoche ce qui sera nécessaire. « Monsieur le duc, je suis riche pour un homme de robe, plus riche que bien les habits à galons d'or. »« Tant mieux, monsieur Quatre Sous, mais je ne suis pas pauvre non plus. »« Ce n'est pas douteux, Altesse. Je veux dire qu'il me suffirait que mon gendre eût autant que ma fille. »« Il aura autant qu'elle, monsieur. Qu'avez-vous dessein d'accorder en mariage à mademoiselle Quatre Sous ?»« 200 000 livres. »« Eh bien, je donne 200 000 livres au chevalier. » Monsieur Quatre Sous qui ne voulait donner que 100 000, croyait se tirer d'affaire par cette bravade. Mais dans sa vanité de Robin, il ne savait point ce que c'était qu'un grand seigneur et se trouva pris au trébuchet. « Quoi, vraiment, monsieur le duc ? » dit-il en balbutiant. « Votre Altesse irait se saigner d'une si grosse somme pour un petit gentilhomme qui ne lui est point parent ?»« Ce sont paroles échangées, monsieur. Il ne tiendra qu'à vous de donner 100 000 livres de plus pour enrichir votre fille du double. »« Diable, c'est assez comme cela pour ma bourse. La chose est convenue, je signerai au contrat. »« Un moment, monseigneur, laissez-moi le temps de réfléchir. Rien n'est arrêté tant qu'il n'y a pas d'écrit. » « Ma parole vaut un papier, monsieur. Nous donnons chacun 200 000 livres. J'aime Plénoche. Son beau-père sera toujours le bienvenu chez moi. Ce m'est un grand plaisir de vous avoir trouvé si bon et si raisonnable. Comment avez-vous été logé ici ? Êtes-vous satisfait ? Resterez-vous parmi nous à vous délasser des travaux du semestre ? » Monsieur Quatre-Sous, circonvenu par tous les côtés, essaya vainement de ramener sur le tapis l'affaire du mariage. Son Altesse ne lui en parla plus que comme d'une chose bien et dûment conclue. « Que la peste étrangle les grands seigneurs, les gens de cour, les princes et leurs valets !» dit-il tout en fureur quand il se trouva seul. Monsieur l'auditeur soulagea son humeur en grondant sa femme et en envoyant à tous les diables le fils Montanglos quand il lui voulut donner son avis. Plénoche le vint saluer. « Vous voilà donc, s'écria le bonhomme, beau séducteur de filles qui savait arracher des promesses de mariage. » « Ah, monsieur Quatre-Sous, répondit Plénoche, parlez plus doucement. Il me serait pénible d'avoir un beau-père sans oreilles, et je me verrais obligé de vous couper les vôtres, si vous me dites des injures. Avec ou sans oreilles, monsieur, vous ne me tenez pas encore pour votre beau-père. Je sens déjà que vous le serez, monsieur, au respect que vous m'inspirez et à l'amour que j'ai pour votre aimable fille. C'est bon, nous verrons qui l'emportera. Tout n'est pas encore achevé. » Monsieur Quatre-Sous et son fils Montanglos, furieux de leur mauvais succès et honteux au fond d'avoir mal réussi à cause de leur sottise, conspirèrent ensemble pour rétablir leurs affaires. Plénoche, qui les regardait de près et avait des amis partout, fut averti en dessous de main que M. l'auditeur devait enlever sa fille dans la soirée pour la mener à Paris sans prendre congé de personne. Notre chevalier courut en informer M. de Longueville, qui donna ordre de fermer à la nuit les portes de la ville. La surprise et le dépit de M. Quatre-Sous furent grands lorsqu'il trouva des gardes aux murailles de Coulommiers et les portes closes. Il rentra tout écumant dans le château et s'en alla chez son Altesse. Mais au moment d'éclater en reproches, il se vit apostrophé lui-même d'un ton fort sévère. « Monsieur, lui dit le prince, j'allais envoyer à votre recherche, et il paraît que vous vous considérez ici comme violenté. Si vous ne savez pas comment on se doit conduire chez les gens de ma sorte, je vais vous l'apprendre. On ne s'enfuit point en larron d'une maison où l'on vous a fait honnêteté. C'est moi qui ai voulu qu'on ferme les portes afin de vous donner cette leçon avant votre départ. Je ne prétends retenir personne par force, encore moins un homme de peu comme vous. Il fera jour demain matin, monsieur. Si vous n'êtes ni plus civil, ni mieux conseillé que ce soir, vous pourrez aller où il vous plaira. Je vous donne congé. Aussi bien, puisqu'un Robin n'a pas compris l'honneur que je lui faisais, je serais aise qu'il nous vide le plancher. « Soyez avertis, monsieur, que je laisse carte blanche à monsieur Plénoche pour vous jouer tous les tours qu'il pourra et faire valoir sa promesse de mariage. » Notre homme essaya de prendre la parole, mais le duc lui tourna les talons en disant « Je suis votre serviteur, monsieur Quatre-Sous. » On verra tout à l'heure comment Plénoche prétendit user de la carte blanche donnée par son Altesse.